Attention action. Lesson 24. Leçon 24. Nourriture terrestre. Robert a été invité chez les Courtois. Il est arrivé devant la porte de leur appartement. Mireille sera-t-elle là? Il sonne. C'est Madame Courtois qui ouvre. Oh, mon petit Robert, vous voilà. Comme je suis contente de vous voir. Oh, comme vous ressemblez à votre maman. Vous permettez que je vous embrasse, mon petit. Entrez, entrez. Mon mari n'est pas encore rentré. Robert entre. Et non, Mireille n'est pas là. Mireille avait téléphoné à Madame Courtois le jeudi matin. Ça faisait des semaines qu'elle n'avait pas vu sa marraine. Allô, marraine? Ah, ma pupinouche! C'est toi? Mais ça fait une éternité qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis bien contente que tu téléphones. Tu tombes bien. Écoute, viens donc demain. Justement, nous aurons un jeune Américain, charmant. Il est arrivé avant-hier, il ne connaît personne. Il sera ravi par ta connaissance. Et nous vous retiendrons à dîner. Mais ma reine, je ne sais pas si je pourrais. Mais si. Écoute, t'en es-tu sûr qu'on ne t'a pas vu? Bon, écoute, j'essaierai. Je vais voir. Mais je te promets rien. Mais Robert ne sait pas que Mireille a bien appelé Madame Courtois. Elle n'est pas là. Et Robert se demande si elle viendra. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment allez-vous? Comment trouvez-vous Paris? Qu'est-ce que vous avez vu? Parlez-moi de votre maman. Comment va-t-elle? À ce moment, on sonne à la porte. Ah, excusez-moi, c'est ma tête Mireille, c'est ma filleule. C'est en effet Mireille. Embrassade avec sa marraine, présentation de Robert. Ma petite minouche, comment vas-tu? Mais tu es fraîche comme une rose. Je te présente M. Taylor, qui nous arrive des États-Unis. Robert, Mireille Bello, le filleul, c'est presque notre fille. Robert et Mireille font semblant de ne pas se connaître. Enchantée, mademoiselle. Bonsoir. Ça y est, maintenant, les Courtois ne devront jamais découvrir la rencontre de mercredi. Robert et Mireille devront garder le secret. Ah, que la vie est compliquée. Mais asseyez-vous, mes enfants. Vous n'allez pas rester debout. Asseyez-vous. Tiens, ma petite Mireille, elle sera à côté de moi. Depuis longtemps, je ne t'ai pas vue. Oh, toi aussi, tu es notre fille. Oui, tu es jalouse. Oui, qu'elle est jalouse. Excusez-moi, tu vois ce qui se passe dans la cuisine. Robert et Mireille restent seuls. Mais M. Courtois arrive juste à ce moment-là. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Je travaille, vous savez ce que c'est. Madame Courtois revient de la cuisine. Ah, bonsoir, bébé. Comment ça va? Bonsoir, ma petite Mireille. Tu es content de te voir? Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des études ou un amoureux? Et voilà notre jeune Américain. Justement, j'irai aux États-Unis en septembre. Il faudra me donner des tuyaux. Mais en attendant, vous prendrez bien quelque chose? Voyons. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Whisky, Campari, Kérès, Bagneux, Pastis, Porto? Un doigt de Porto, s'il vous plaît. Et toi, ma petite Mireille, qu'est-ce que tu prendras? Eh bien, un petit pastis bien passé, comme d'habitude. Et toi, Bibi, qu'est-ce que je te donne? Alors, moi, je prendrai une larme de Jerez. Monsieur Courtois se sert généreusement de scotch avec un petit glaçon et très peu d'eau. À la vôtre. La conversation s'engage.

par l'obsession gastronomique de M. Courtois. Il cherche un moyen de s'échapper au plus tôt, aussi poliment que possible, et, si possible, avec Mireille. J'espère que vous m'excuserez, mais avec le décalage horaire... Ça fait combien entre New York et ici? 5 heures? 6 heures? 6 heures. Je tombe de sommeil. Oh, mais il est déjà minuit et demi, mon Dieu. Il faut que je rentre, moi aussi. Quel délicieux repas. Et quelle charmante soirée. Je ne sais comment vous remercier. Mais ne partez pas encore, vous avez le temps. Vous prendriez encore un peu d'Armagnac, n'est-ce pas qu'il est bon? Il est extraordinaire, mais il faut absolument que je rentre. Vraiment? Alors dans ce cas, je vais vous reconduire tous les deux. Mais non, ce n'est pas la peine. Mais non, parrain, ne te dérange pas, je dois être fatigué. Mais ça ne me dérange pas du tout. Et, de toute façon, je dois mettre la voiture au garage. Merci encore, tout était vraiment exquis. Bonsoir. Monsieur Courtois reconduit Mireille et Robert, chacun chez eux. D'abord, il s'arrête devant le 18 rue de Vaugirard, où habite Mireille. Robert accompagne Mireille jusqu'à sa porte. Elle appuie sur un bouton, la porte s'ouvre. Robert a juste le temps de demander « Quand est-ce que je pourrais vous revoir ?»« Je ne sais pas. Donnez-moi un coup de fil lundi matin vers 9h au 43 26 88 10. Bonsoir et bonne nuit. » Évidemment, Robert ne se rappelle déjà plus le numéro que Mireille vient de lui donner. C'est sûrement dans l'annuaire.